moto zani kolanda e Velo yo topo sepela o anniversaire E la kisi o to si toko ni na makani si baba o IGC Velo yo topo sepela o anniversaire E la kisi o to si toko ni na makani si baba o IGC IGC, Union de la jeunesse socialiste congolaise. Eva. IGC. Socialiste congolaise Tout aussi fait tout comme ici Mi peco y a parti Bonan zela malamu Tous a vi colandae Melo yo Tout passe pela au bon anniversaire Et la kissi au bon Tous y to colina Bancani si baba au bon IGC Melo yo Tout passe pela au bon anniversaire Kisa, tous amis, Congo populaire. Oh, là, Ha, ha, ha.